clodos qui vivent dans le métro. Les jeunes qui insultent Sarko. Beaucoup ont quitté l'école trop tôt pour faire de l'oseille. Certains sont mangés des râteaux, cousins règle la veille. Génération cannabis, des gouttes cannibus. Tu traînes tard, tu prends le dernier bus, man. Catalogué comme Paul Hussard, à faire d'alerte au retard. Et que la justice en a marre. Abonné au chômage, vu les sondages, cousin, tout ça, ça me fout une putain de rage. Nos bâtiments brûlent, impossible de bouger. Le châtiment hurle, on sent venir le putain de danger. Jeune étranger qui parle la langue française, il faut pas se ranger, juste à être à l'aise, man. On veut ce qu'ils ont, avoir les mêmes maisons. Ces bâtards, eux, ils ne pensent qu'à nous foutre en prison, man. J'en ai marre de cette vie, marre de souffrir. J'en ai marre de cette vie, cousin, marre de souffrir. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. De l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin à Buckingham, le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin à Buckingham, le siège que des enculés. J'ai la fermé dans mon togué, des taudis crament. On s'arme, on rame sur une galère sans pagaie. Putain, le diable m'a dragué, et c'est une pute. Donc je l'ai largué. Mes reins qui me suivent, gros bâtard, mon graine à braquer. C'est la merde ici, non, c'est nous qui la cherchons. On nous prêche la bonne parole, nous on bicrave du chichon. Qu'est-ce tu veux, ça les arrange, l'économie souterraine. T'as grandi dans la tête, les keufs ont brisé tous tes rêves. C'est la même merde, tout part, moi c'est 9-3 hardcore. Dès que tu vois ma dégaine, je te plante dans le décor. Là où les jeunes tafs font du bise en parallèle. On vit pas avec une paye, mon ghetto veut de l'oseille. Depuis l'euro, frère, impossible de mettre de déco. Le peuple vide de crédit, tout le monde veut qu'est gros. Heureusement, la foi illumine mon JK. Si t'as pas notre état d'esprit, tiens-toi à l'écart. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. De l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin à Buckingham, le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin à Buckingham, le siège que des enculés. Tragique et l'ambiance tactique. Moi j'avance en évitant les mines. Depuis le jour de ma naissance, j'ai vu le jour dans une époque où les sirènes, où la freine est sirène, où la paix est si belle qu'elle est trop courte. Demande à ceux qu'on électrocute, on te le cachera toujours, car à la télé trop de putes nous endorment à coups de popstar. Mais moi je m'en bats les couilles des potins sur les rockstars. J'ai mon lot de problèmes à résoudre. J'ai quelques soucis avec les forces du désordre en découte. J'ai le devoir de laisser système chaos. C'est pour ça que moi à patate comme la CLSAO. Avec sérieux mon art de guerre, j'manie. Le peuple reste classe comme s'il était sponsorisé par Armani. On tord le beat jusqu'à épuisement. Les rimes sortent comme d'un gisement. Vois les putes sur orbite. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. De l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin à Buckingham, le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien tant que la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée à la Maison Blanc, du Kremlin, Buckingham, le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin, Buckingham, le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin, Buckingham, le siège que des enculés. Puisqu'ils ont fait de nos vies un trou noir, alors foutons le feu pour avoir un peu de lumière. Ouais, ma couille, un échange. Poison, l'arsène, esta. 1, 2. Surveillants pour chaque détenu et où la population pénale n'a jamais été supérieure à 10. La première règle à apprendre, amende, c'est le silence total. Tous ceux qui sont passés entre ces murs et qui en sont sortis ont perdu l'usage de la parole pendant une période plus ou moins longue. Et ils ont souffert d'une détérioration plus ou moins profonde de leur équilibre nerveux.